La pulpe, le baiser, mordre à sa bouche. J'ai eu le bonheur de baiser une fille de mon village. Elle était allongée au milieu des champs, des bruits rustiques et autres odeurs printanières, comme une ruche. Tous les garçons l'entouraient. Elle était largement ouverte. On voyait les jupons blancs troussant le haut de ses cuisses. Et quand on entrait nos membres, nos petites couilles frôlaient les poils, chatouillant ses fesses qui, couchées sur la masse de foin odorante, nous faisaient rêver elles aussi. Nous faisaient rêver. Je gratte mon bouton comme une fille de ferme. Plus on boit, plus on a soif. Très haut, sur mes jambes un peu noueuses, les reins trop cambrés. J'enlève ma culotte, au tissu jauni. Moi et nul autre qui enfonce un doigt. Toi et nul autre qui enfonce un doigt. Parfois deux. Fellation 50. Avec rouge à lèvres 75. Femme, c'est notre éclat. Fellation 50. Immonde ou non spam. Les jeunes cornichons et les vieux cochons en pincent pour mes nichons. Avec rouge à lèvres 75. Au milieu des cris des garçons, dans le bourdonnement des abeilles, ma fille s'en allait vers la ferme. Fellation 50. Mouve-moi avec ta langue. Avec le temps, j'oublie ton goût. Suis-je belle dans tes mains? Suis-je belle? Il me semble, à mon avis. Mes seins de sucre d'acacia, poudre détrempée dans du vinaigre, ma culotte rouge, le sein en poire, en pomme. Suis-je belle dans tes mains? Le nombril adorable sans doute est sans doute la chose la plus légèrement culottée.